بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc là l'auteur, c'est la dernière partie du livre dans laquelle il va citer des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. ذكر أسماء الله الحسنى بأدلتها. Le fait de mentionner les noms d'Allah avec leurs preuves. Car il faut savoir une chose, que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tawqifis, ne sont connus que par un décret divin, que par une preuve. On ne peut les inventer, on ne peut les imaginer, ou faire un ijtihad dedans. Ces noms, Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les plus beaux noms, qui ne contiennent aucun défaut, aucun manque, et dans lesquels ne peut aucune créature n'y a part. Certains noms sont communs, c'est-à-dire on peut le trouver chez la créature, mais le sens qu'il renferme, et lorsqu'ils seront revenus à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une autre tournure, un autre sens qui ne revient que à lui subhanahu wa ta'ala. Et certains noms ne sont que pour Allah, interdits d'appeler la créature avec. Donc ces noms-là doivent être pris selon leur apparent, sans les déformer, sans chercher à savoir le comment, sans les supprimer et sans chercher à les comparer à la créature. Quand on dit les supprimer, c'est-à-dire des gens, comme cela est venu dans certaines sectes, on en a déjà parlé au début du livre, qui, lorsqu'ils voient ces noms, sont des noms qui ressemblent à ceux de la créature, disent on les refuse. Comme les Jahmiya, Mathalen, ou les interprètes, changent le sens, comme les Asha'ira, changent le sens. Voilà les Alika. Le musulman doit prendre le nom tel qu'il est venu et l'accepter. Tant qu'il est sûr que ce nom est une preuve, est basé sur une preuve authentique tirée du Coran de la Sunna. Et nous avons expliqué également que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala démontre deux choses. يعني يتدل على ذات الله. Elle représente l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah en lui-même. Car elles sont comme des noms propres qui déterminent celui qui était nommé. Et ثانياً تدل على الصفة التي تتضمنها. Et qu'elles également sont une preuve de l'attribut qu'elle renferme. Que le nom, l'attribut qui en découle, revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout nom, il en découle forcément un attribut. Et ce n'est pas tout attribut dont il découle des noms. Tout le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut en tirer l'attribut qui va avec. Mais pas le contraire. Non, pas le contraire. Un exemple, on l'a cité. Al-Alim. Nasmaïla Al-Alim. Quand on dit Al-Alim, d'accord, on sait qu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un nom qui le définit lui. Et Al-Alim est un Al-Ilm. Que Allah, il connaît, il a la science, l'omniscience, il connaît tout. Même, un Allah ou Al-Alim. Que Allah est l'omniscient, il connaît tout. Donc de là, le shir, il va commencer à aller en rénumérer certains. À savoir que, comme l'a rappelé Cheikh Al-Islam Taymiyyah, rahmallahu ta'ala, le fait de dire qu'il n'y a que 99 noms, quand il y a un hadith qui est venu, limitant ces noms à 99, il dit ce hadith n'est pas authentique. Ce hadith n'est pas authentique. Celui qui est venu, celui qui que Allah, certes que Allah, parmi le nom d'Allah, il y en a 99, celui qui les retient et les dénombre entrera au paradis. Et on a expliqué que ce hadith-là ne veut pas dire qu'il n'a que 99 noms. Non, mais parmi ces noms, il y en a 99, celui qui les connaît, qui les mémorise et qui les comprend, en tirera la récompense. Taïeb. Donc là, il va commencer en citer, en tout le shir, dans son livre, va en citer 109. Ce qui démontre justement que ces noms sont bien plus nombreux que 99. Et là, sans tarder, qu'on va juste les lire, et c'était la preuve qui va avec. Naam. فَقَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر أخرجه البخاري ومسلم. Selon Abu Huraira, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, Allah certes a 99 noms, celui qui le retient entrera au paradis, et Allah est un père, c'est-à-dire unique, il aime l'impair, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc déjà, quatre premiers noms que le shir va citer. Allah, الإله الحي القيوم. قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Donc parmi ces noms, on donne la traduction approximative des noms. Allah. Après, El-Ilah, qui veut dire l'adorer, la divinité. Et à la base, Allah est pris de ce nom-là. El-Ilah. El-Hayy, c'est-à-dire le vivant. El-Qayyum, c'est-à-dire le subsistant, qui n'a besoin de personne. Dans le verset, dans le sens où Allah dit, Allah, pas de divinité, digne d'être adoré en dehors de lui, le vivant, le subsistant. Badahada qal. Ar-Rabbu, qui est le Seigneur. Ar-Rahman, qui est le tout miséricordieux. Ar-Rahim, qui est le très miséricordieux. Celui qui fait miséricorde à qui il veut. Et ces trois noms sont réunis dans la parole d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dans le début de l'Fatiha. Et dans le hadith d'Ibn Abbas, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما الركوع فعظموا في الرب عز وجل. Il a dit quant à l'inclinaison, alors glorifiez-y le Seigneur. Rapporté par Muslim. ثم قال بعد هذا الملك, le roi, القدوس, le pur, السلام, la paix, المؤمن, celui qui fait confiance et qui croit, المهيمن, le frère traduit par le surveillant, Al-Jabbar, le dominant. Al-Mutakabbir, l'autain, même l'orgueilleux. Al-Khaliq, le créateur. Al-Bari, celui qui débute la création, depuis son début. Al-Musawwir, le formateur, le façonneur. Al-Aziz, le puissant. Al-Hakim, le sage. Donc, Allah Ta'ala, tous ces noms sont en un seul verset. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dans le sens où Allah dit, il est Allah, pas de divinité de t'adorer ce n'est lui, le roi, le pur, le préservé, celui qui fait confiance, le surveillant, le puissant, l'autoritaire, l'autain. Gloire à Allah. Il transcende ce qui lui associe. Il est Allah le créateur, celui qui débute la création, le formateur, à lui le nom le plus parfait, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Il est le puissant et le sage. ثم قال الأول, le premier, الآخر, le dernier, الظاهر, l'apparent, الباطن, le caché, العليم, l'omniscient. والدليل قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Il est le premier, le dernier, l'apparent, le caché, il est le connaisseur de toutes choses, l'omniscient. بعد هذا قال الغفور, le grand pardonneur, الودود, l'aimant, Al-Majid, le splendide, qu'Allah Ta'ala, wa wal ghafur al-wadud, dhul arsh al-majid. Donc il est le pardonneur et l'aimant, celui qui possède l'arche, le trône, il est le splendide. Il est le splendide, Al-Majid, ça ne revient pas à l'arche. Car l'arche, il est mudaf ilayhi, il y a une kasra. Et Al-Majid, il vient avec une dhamma, donc il revient à dhu. Donc ça revient à Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم قال الرزاق, qui est le grand pourvoyeur à la subsistance, القوي, le fort, المتين, l'inébranlable. وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى وهو القوي العزيز. Dans le sens où Allah dit, Allah est certes le grand pourvoyeur, le possesseur de la force, l'inébranlable. Il est le fort, le puissant. ثم قال الخير, qui est le bien, le meilleur. الحافظ, le gardien. الحافظ, le préservant. وقال تعالى فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وقال تعالى إن ربي على كل شيء حفيظ. Que dans le sens où il dit qu'il est, Allah est le meilleur gardien et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et dans un autre verset il dit, certes mon Seigneur est préservant de toutes choses. Donc l'attention, on dit bien, c'est des sens relatifs et rapprochés. Le nom d'Allah, c'est très dur à traduire. Et à la base, le meilleur, c'est de ne pas le traduire. De comprendre le sens, c'est de ne pas le traduire. Mais là, c'est Mimbab Taqrib. Pour prendre la chose approximative, pour, on va dire, éveiller la compréhension. C'est tout. وَبَدَ هَذَا قَالَ الْعَالِمُ qui est le savant, le connaisseur. الْكَبِيرُ le grand. الْمُتْعَالِ l'élevé. وَقَالَ تَعَالَى عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتْعَالِ qui est Allah et le connaisseur de ce qui est caché et apparent, le grand, l'élevé. ثم قال المالك فرق بين الملك والمالك تمام يا المالك بالمد ويا الملك بدون مد المالك qui est également le possesseur المليك également troisième avec un مد sur le يا qui est le souverain المقتدر qui est l'omnipotent قال تعالى مالك يوم الدين qui est le possesseur du jour de la rétribution. Donc, Allah Ta'ala, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Wa qala al-ahad qui est l'unique. As-samad, celui dont on a tout besoin, celui dont tout a besoin. Donc, Allah Ta'ala, wallahu ahad, Allahu samad. Dit il est Allah, l'unique, celui dont tout a besoin. Après, il dit, Al-Wahidu, Al-Qahar. Wahidu, le seul. Al-Qahar, le grand dominateur. Qala ta'ala, Wal-Wahidu, Al-Qahar. Il est le seul et le grand dominateur. Wa qala ba'da hadha, Al-Waliyu, qui est l'allié. Al-Hamidu, le loué. Wa qala ta'ala, وَوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ qu'il est l'allié et le loué. وَقَالَ بَعْدَ هَذَا الْمَوْلَى le maître, النصير, le secoureur. وَقَالَ تَعَالَى فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النصير. Il dit quel bon maître et quel bon secoureur. وَقَالَ بَعْدَ هَذَا الرَّقِيبُ qui est l'observateur. الشَّهِيدُ qui est le témoin. وَقَالَ تَعَالَى فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Il dit, c'est-à-dire à propos de Isa alayhi salam, dans le sens où il dit, lorsque tu m'as repris, tu fus leur observateur et tu es le témoin de toutes choses. ثُمَّ بَعْدَ هَذَا قَالَ السَّمِيعُ celui qui entend tout, l'entendant. الْبَصِيرُ celui qui voit tout, le clairvoyant. وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ que certes Allah et l'entendant, et le voyant, le clairvoyant. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا الْحَقُّ la vérité, الْمُبِينُ qui est le clair. قَالَ تَعَالَى وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ وَالْحَقُّ الْمُبِينُ ils savent que Allah est la vérité, le clair. ثُمَّ قَالَ اللَّطِيفُ le doux, الْخَبِيرُ l'informé. وَقَالَ تَعَالَى أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَهُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ne sait-il pas ce qu'il a créé alors qu'il est le doux et l'informé? ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا الْقَرِيبُ le proche, الْمُجِيبُ le répondant. وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ certes, mon Seigneur est proche et répond. Le répondant, c'est-à-dire il répond au dua. ثُمَّ قَالَ الْكَرِيمُ le noble, الْأَكْرَمُ le plus noble. وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ il dit, ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble. وَقَالَ تَعَالَى اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ et lis, et ton Seigneur est le plus noble. بعد هذا قال الْعَلِيُّ le très haut, الْعَظِيمُ l'immense, قَالَ تَعَالَى وَلَا يَؤُدُّهُ حِفْظُهُمَا وَوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ dans le sens où il dit et leur garde ne le fatigue pas, il est le très haut et l'immense. ثُمَّ قَالَ الْحَسِيبُ celui qui tient les comptes de tout. الْوَكِيلُ le garant de tout. وَقَالَ تَعَالَى فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ que celui-là il leur a rajouté de la foi et qu'il dit que Allah nous suffit et qu'il est bon garant. وَقَالَ تَعَالَى وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا et que Allah suffit à rendre des comptes. ثُمَّ قَالَ الشَّكُور le reconnaissant, Al-Halim, l'indulgent. Quand la Ta'ala, Wallahu Shakurun Halim, que Allah est reconnaissant et indulgent. Wa qala al-birru. Wa qala ta'ala innahu wal-birru ar-rahim. Qu'il est certes, al-birru, on va dire c'est le bienfaisant. Que Allah est le bienfaisant et le très miséricordieux. Thumma qala al-shakiru. Et shakiru c'est comme shakur. En français, ce sera le même sens. Bien que shakur est wa ani ma'na abra. C'est un ma'na qui est encore plus grand que shakir. Mais les deux, on traduira par reconnaissant. وقال تعالى وكان الله شاكرا عليما que Allah certes est reconnaissant et omniscient. الوهاب le grand bienfaiteur. قال تعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. Où possède-t-il les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le puissant, le grand bienfaiteur. القاهر le dominateur. وقال تعالى هو القاهر فوق عباده. Il est le dominateur au-dessus de ses serviteurs. وقال الغفار le grand pardonneur. وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. Seigneur des cieux et de la terre, ce qui est entre les deux, le puissant et le grand pardonneur. وقال التواب, c'est-à-dire le grand accueilleur au repentir. وقال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو Tawwabur Rahim. Et que Adam reçut des paroles de son Seigneur et l'accueillit se repentir. Il est certes le grand accueillant au repentir, le très miséricordieux. Thumma qala Al-Fattah. Qala ta'ala, Al-Fattah c'est le frère retenu par le grand juge. Et c'est également, on peut dire, le grand ouvreur. Et également, Al-Fattah, ça a un moyen, ça a un sens de conquête. Allah alam. Qala ta'ala, والفتاح العليم qu'il est le grand juge et le connaisseur, le grand ouvreur et le connaisseur. ثم قال الرؤوف قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. Si ce n'avait été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, que Allah est certes compatissant et le très miséricordieux. الرؤوف c'est le compatissant. النور c'est la lumière. قال تعالى الله نور السماوات والارض. Allah c'est la lumière des cieux de la terre. قال المقيت qui est le dispensateur. قال تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا que Allah est dispensateur de toutes choses. الواسع le large. قال تعالى والله واسع عليم que Allah est large et savant, omniscient. الوارث l'héritier. قال تعالى ونحن الوارثون et nous sommes les héritiers. وقال الأعلى le plus haut. وقال تعالى Sabbihisma Rabbikal A'la. Et glorifie ton Seigneur le plus haut, le plus élevé. Al-Muhit. Le cernant. Celui qui entoure de toutes choses, qui parle de toutes choses. Quand la Ta'ala. Ala innahu bikuli shayin muhit. Et n'est-il pas, le cernant de toutes choses. Thumma qala Al-Allam. Qui est le grand savant. Quand la Ta'ala. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَ الْغُيُوبَ. Et ne savent-ils pas que Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue, et que Allah est le grand savant des choses inconnues. ثُمَّ الْمُسْتَعَانَ qui est celui dont on demande le secours ou qu'on recherche de l'aide. وَقَالَ تَعَالَى وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ qu'il dit, et notre Seigneur est le tout miséricordieux, celui à qui on demande de l'aide contre ce que vous qualifiez. Contre ce dont vous le qualifiez, c'est-à-dire Allah. ثُمَّ قَالَ الْهَادِ qui est le guide. قَالَ تَعَالَى وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا لِصِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ que Allah certes est le guide de ceux qui ont cru ou sur le chemin droit. النَّاصِر le secoureur. قَالَ تَعَالَى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين que c'est plutôt Allah votre maître, il est le meilleur des secoureurs. الخلاق le grand créateur. قال تعالى إن ربك هو الخلاق العليم que votre Seigneur est le grand créateur et l'omniscient. الغفور qui est le sens de pardonneur comme الغفور مثلا. وقال تعالى فإن الله كان غفورا قديرا et que Allah certes est pardonneur et omniscient, et omnipotent. Naam. Al-Hakim, le sage ou le juge. Quand le Ta'ala, وَاتَّبِيَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاسْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Il suit ce qui t'est révélé et patiente jusqu'à ce que Allah juge. Il est le meilleur des juges. Al-Ghaniyu, le riche. Quand le Ta'ala, وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. Que ton Seigneur est le riche et plein de miséricorde. Al-Kafil, qui est le garant. Quand le Ta'ala, وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Que vous avez fait, certes, dans Allah, votre garant. Wa ala qala l'imam Bukhari fi kitab al-hawalat, ba'd al-hadith, an Nabi Hurayra, an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, anhu zakara rajulan min bani Israil. Qala kafa billahi kafila. Également dans le Bukhari, dans son livre, il rapporte, selon Abu Hurayra, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite l'histoire des fils d'Israël et qu'il dit que Allah suffit comme garant. Allah suffit comme garant. Le hay, le pudique. Et ce tir, le voilant. Waddalilu, wallahu la yastahi min al-haqqa. Que Allah ne se gêne pas de la vérité. Wan ya'la ibn Umayya, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah azza wa jal hayyun sittirun. Akhraj Abu Dawud. Que Allah est certes, azza wa jal, est certes pudique et voilant. Al-Musa'ir, ensuite, celui qui régit les prix. Al-Qabid, celui qui retient. Al-Basit, celui qui étend. Al-Razzaq, le grand pourvoyeur à la subsistance. An-Anas ibn Malik, qala an-nasu ya Rasulullah, ghala as-si'r, fasa'ir lana. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإن أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني في ظلمة في دم ولا مال حديث والحديث صحيح. Donc dans un hadith de Anas ibn Malik que des gens ont dit au messager d'Allah, les prix ont augmenté, alors établis-nous des prix. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes c'est Allah qui régit les prix. C'est lui qui retient, celui qui étend, c'est le pourvoyeur. J'espère rencontrer Allah sans qu'aucun d'entre vous ne me réclame son droit pour une injustice dans le sang ou dans le bien. Et le hadith est authentique. Thumma qala al-muqaddim, celui qui fait précéder, wal-mu'akhir, celui qui fait retarder, wal-qadir, le capable, on va dire également l'omnipotent. An-Nabi Moussa, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. Dans le hadith de Abu Musa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rapporté par Bukhari Muslim, tu es celui qui fait précéder, tu es celui qui fait retarder et tu es capable de toute chose. Naam. ثم قال السبوح, qui est le glorifié. والدليل عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده Subbuhun Quddus, qu'il disait glorifié et sanctifié, le pur, dans ses doigts, rapporté par Muslim. Quand? Dans sa prosternation et dans son inclinaison. Thumma qala al-Rafiq, qui est le doux. An Aisha, radiallahu anha, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala ya Aisha, inna Allah rafiqun yuhibu al-rifq fil amri kullihi. Akhrajou al-Bukhari wa Muslim. Donc selon Aïcha, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit au Aïcha, Allah est doux et il aime la douceur en toutes choses. Muttafaqun alayhi. Thumma qala al-Tayyib. An Abi Hurayra, Tayyib qui veut dire le bon. An Abi Hurayra, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ayyuhan nas inna Allah tayyibun l'akbalu li tayyiban. Selon Abu Hurayra, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que aux gens, Allah est bon, n'accepte que le bon. Apporté par Muslim. Al-Hakam. Hakam, on dira comme étant le juge, arbitre, celui qui gère entre les choses. An-Nabi Shuraih, Hani ibn Yazid, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah wa al-Hakam, wa li al-Hukm, akhrajou Abu Dawud, wa al-Nasai, wa al-Hadithun Hassan. Donc on dira, le juge ou l'arbitre, que selon Abu Shuraih, Hani ibn Yazid, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah est l'arbitre ou le juge, à lui revient le jugement. Rapporté par Abu Daoud et Nasaï, le hadith il est bon. Al-Shafi, qui est le guérisseur, an Aisha, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kana iza ata maridhan, qala adhib al-bas, rabb al-nas, ishfi wa anta al-Shafi. Muttafaqun alayhi. Selon Aisha, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam tombait malade, ou plutôt, là dans la traduction il y a une erreur, c'est lorsqu'il visitait un malade. Il disait Atamaridan. Là le frère a dit tombait malade, c'est une erreur de traduction également. C'est lorsqu'il visitait un malade. Il disait, écarte le mal au Seigneur des hommes, soigne, c'est toi le guérisseur. Al-Murti, le donneur. عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله المعطي وانا القاسم متفق عليه. Selon معاوية, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, c'est Allah qui donne et moi je suis le distributeur, celui qui partage, on va dire. ثم الوتر, qui est l'impair. والدليل الحديث المذكور في أول هذه الأسماء, et que le hadith a déjà été cité au début, que إن الله وتر ويحب الوتر, que Allah est impair et aime l'impair. الطبيب, qui est le médecin. An Abi Rimsah qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Allahu at-tabib. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud et Ahmed qui est authentique que Allah est le médecin. Thumma qala al-jamil, qui est le beau. An Abdullah ibn Mas'ud an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allah jamil yuhibbu al-jamal. Que Allah est certes beau, il aime la beauté. Apporté par Muslim. Al-Mannan, qui serait le bienfaiteur. An-Anas ibn Malik, qala, sami'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, rajulan yaqul, Allahumma inni as'aluka bi annaka Allah, bi anna laka al-hamd, la ilaha illa anta al-wahdaka la sharika lak, al-Mannan. Faqala, laqad, sa'ala Allah bi ismi al-a'zam, alladhi zasu'ila bihi a'ta wa zadu'iya bihi ajab. Akhraj ibn Majah wa hadithun hasan. Que selon Anas ibn Malik, qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme qui dit « Oh Allah, je te demande par le fait que la louange est à toi, qu'il n'a d'autre divinité que toi, ni d'être adoré, seul, sans associer le bienfaiteur. » Alors il a dit, il a certes demandé à Allah par son plus grand nom, c'est-à-dire Allah, l'ism al-azam, le plus grand nom, c'est Allah. Par son nom le plus grand, celui par lequel il donne lorsqu'on lui demande, et par lequel il répond lorsqu'il est invoqué. Rapporté par Ibn Majah, et le hadith il est Hassan. Al-Sayyid, qui est le maître. An Abdillah ibn Sijir ou Sikhir. An Abdillah ibn Sikhir, qala, kunna ya Rasulullah, anta Sayyiduna. Faqala, Sayyid, Allah, tabaraka wa ta'ala. Que les gens ont dit, au message d'Allah, tu es notre maître. Il a dit, le maître c'est Allah. Le maître c'est Allah. Et le dernier rapporté par le Shir, qui est Ad-Dayyan, traduit par le souverain. قال الإمام البخاري في كتاب التوحيد ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. كسلون جابر يا عبد الله بن أنيس كي دي J'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Allah ressuscitera les serviteurs et les appellera d'une voix qui entendra le lointain comme l'entendra le proche. Je suis le roi, je suis le souverain. Naam. Donc de là nous avons évoqué maintenant combien 109 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leur preuve à l'appui. Et cela ne veut pas dire qu'il n'y a que cela. Cela sont les plus authentiques rapportés avec leurs preuves. Ce sont des preuves authentiques. Maintenant d'autres ce sujet a khilaf, a divergence. Est-ce que le hadith est authentique? Est-ce qu'il ne l'est pas? Donc de là, bifadlillahi ta'ala, on a fini de pouvoir faire une explication résumée et sommaire de ce livre. Donc le plus important est de retenir les preuves, les hadillah, et de chercher à les comprendre. Le livre actuellement en français n'est plus trouvable, à ce que je sais, il est épuisé. Mais si Allah facilite, il sera réédité et sortira afin que les gens puissent en profiter pour ceux qui ne parlent pas l'arabe. Mais quoi qu'il en soit, on leur demande d'apprendre les adilets en arabe. Les noms en arabe, pas en phonétique et ni en français. Là, c'est juste comme on a dit, c'est un taqrib, c'est une approche. C'est tout. Car en réalité, en français, c'est vide, c'est fade. On ne ressent pas la grandeur de la chose. Fabien d'accord, naktafi, nakul subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.